l'éléphant de fil. FM Agraire. Ninja man, oh, we want day away. I want that. Do you want that? Something. tranquille. On pourrait se mettre à genoux. Movement. Regarde ma vie là, elle s'appelle là, elle est dans mon vie. comme moi aussi, on peut se croire égaux. I'm not the new again. sympathique, meet somebody to love. I'm the psychic. Everybody needs somebody. Somebody to love. Somebody to love. Somebody share. Everybody. Somebody. Somebody love. Somebody to love. De là, c'est des bonnes bases. Thank you. Sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de l'endroit. On peut toujours rêver. Try! that we fake, but we try again. Because we know we are able to create situations. We know we are able. We are friends, yeah. We are able to create, yeah. Yeah, we push, yeah, we try. Nos ennemis, yeah. pas si beau. Yes, we are a move to make noises. Poetry again. Depuis dans l'air à 4h du matin, Arthur Rimbaud. Deux siècles avant nous, la liberté. pas. S'embrasser. Love it. all quiet for all the family. Tradition. Goa, what do you want to say? Say it, even now. See you now. You can say it. Radio.